ça fait à moi une grande affaire. Mais ma voisine dit que c'est un mot monté, y a envie monter comme à moi. Moi, mon content mon bicyclette, mon bien content pédaler, ça fait à moi une grande affaire. Machine. Ah moi si mon pareil comme à toi. Même n'importe qui moque mon présent. Ah moi si mon pareil comme à toi. Moi mon content mon bicyclette. Moi si pareil. Moi mon bien content pédaler. Moi si pareil. Moi mon gain plaisir à piloter. Moi si pareil. Moi mon content quand toi avec moi. Moi si pareil. Moi mon al gagne un gros vélo. Pendant moi pé pédaler. L'ilog drôle qualité son. Moi, mon al gagne un gros vélo. Pendant moi, pépé d'aller. L'ilog drôle qualité son. Là, vous voilez, pas de frein finisé. Dangereux pour la circulation. Bicyclette, mon con pédaler. A moi, si mon pareil comme à toi. Même mon bâti à prendre, mon connaît. A moi, si mon pareil comme à toi. Mon content pilote, mon machine. A moi, si mon pareil comme à toi. Même n'importe qui moque mon présent. A moi, si mon pareil comme à toi. Dans mon l'écho, de bout en bout, comme on monte pata pata. On gagne gili gili, gili gili, gili gili, comme on monte pata pata. Il va jouer à Badjo Josh, dans mon l'écho, de bout en bout, comme on monte pata pata. 18 ans l'anniversaire, mon gagne un vélo modèle. Un seul coup de pédale, à la machine faire pat patoi. Fifi tient mal faire les tours, lui monte pas derrière. Ça fait nous vraiment plaisir quand nous monte pata pata. On gagne gili gili, gili gili, gili gili, comme on monte pata pata. Oui, wach on a badjo josh, dans mon écho, de bout en bout, comme on monte pata pata. On gagne gili gili, gili gili, gili gili, comme on monte pata pata. Oui, wach on a badjo josh, dans mon écho, de bout en bout. Comme on monte pata pata. L'état me trouve si m'énerve, à la moi pillé. Tellement contentement dans moi mal passe dans son interdit. Mon fin rentre la dame au frère, à la moi copé. Une contravention parce qu'il monte rentre dans nos entries. On gagne gili gili, gili gili, gili gili, comme on monte pata pata. Vivre j'en a badjo josh, dans mon écho, de bout en bout. Comme on monte pata pata. Mon gagne gili gili, gili gili, gili gili. Comme on monte pata pata. Vivre j'en a badjo josh, dans mon écho, de bout en bout. Comme on monte pata pata. Montre-moi Michel mon professeur. Comme on l'a souvent qui m'a bien fait. Montre-moi qui m'a bien pour faire les bouser. Faire les allons avant d'oyer. On a des yeux vinaines qu'on dicte. Montre-moi qui m'a bien qui m'a bien fait. Montre-moi Michel mon professeur. Comme on l'a souvent qui m'a bien fait. Montre-moi qui m'a bien pour faire les bouser. Faire les allons avant d'oyer. On a des yeux vinaines qu'on dicte. Un femelle souval dans mon l'écurie. D'un tombola qui m'a dit gagne sa prix consolation. Un zen bébé, un joli bébé. Un principe a fait bête, ka ou guette, ça ou capable de babé. Montre-moi qui manien qui mobilise un fer, montre-moi Michel mon professeur. Kamolo souval qui mobilise un fer. Montre-moi qui manien pour faire libouser, faire li aller en avant en arrière. Moi n'a désir vinaine qu'on dicte. Montre-moi qui manien qui mobilise un fer, montre-moi Michel mon professeur. Kamolo souval qui mobilise un fer. Montre-moi qui manien pour faire libouser, faire li aller en avant en arrière. Moi n'a désir vinaine qu'on dicte. Et n'a des années. Moi roule bicyclette, moi t'y bien content, ça t'y fait moi plaisir pédaler. L'homopathe pas toi, ça n'est notre matière. La monde sans montier, imaginez ou même qui qualité soule. Montre-moi qui manie qui mobilise un fer, montre-moi Michel mon professeur. Kamolo souval qui mobilise un fer. Montre-moi qui manie pour faire li bouser, faire li aller en avant en arrière. Moi n'a désir vinaine qu'on dicte. Mais pas arrive loin, et n'a une seule manière. Pas galouper, pas encore ou cogner. Al doucement, doucement, mon frère, ou si ou pas arriver. Pas galouper, pas encore ou cogner. Al doucement, doucement, ti pas truc gros loulou. Français dit dire, qui va lentement, va sûrement. En anglais, dire, je dis, slowly, bet, surely. En allemand, langsam, aber, sicherlich. Nous mauriciens, tipa tipa tui gros loulou. Mais la vitesse, quand nécessaire. Mais pas arrive loin, et n'a une seule manière. Pas galouper, pas encore ou cogner. Al doucement, doucement mon frère, ou si ou pas arriver. Pas galouper, pas encore ou cogner. Al doucement, doucement, tipa tui gros loulou. Pas galouper, pas encore ou cogner. Al doucement, doucement mon frère. Si elle vous pas arriver, pas galouper.